Mademoiselle Fischer prit ainsi sur cette âme un empire absolu. L'amour de la domination resté dans le cœur de la vieille fille, à l'état de germe, se développa rapidement. Elle put satisfaire son orgueil et son besoin d'action. N'avait-elle pas une créature à elle, à gronder, à diriger, à flatter, à rendre heureuse, sans avoir à craindre aucune rivalité? Le bon et le mauvais de son caractère s'exercèrent donc également. Si, parfois, elle martyrisait le pauvre artiste, elle avait en revanche des délicatesses, semblables à la grâce des fleurs champêtres. Elle jouissait de le voir ne manquant de rien. Elle eût donné sa vie pour lui. Venceslas en avait la certitude. Comme toutes les belles âmes, le pauvre garçon oubliait le mal, les défauts de cette fille, qui, d'ailleurs, lui avait raconté sa vie comme excuse de sa sauvagerie, et il ne se souvenait jamais que des bienfaits. Un jour, la vieille fille, exaspérée de ce que Venceslas était allé flâner au lieu de travailler, lui fit une scène. « Vous m'appartenez !» lui dit-elle. « Si vous êtes honnête homme, vous devriez tâcher de me rendre le plus tôt possible ce que vous me devez. » Le gentilhomme, en qui le sang des Steinbock s'alluma, devint pâle. « Mon Dieu ! » dit-elle, « bientôt nous n'aurons plus pour vivre que les 30 sous que je gagne. Moi, pauvre fille !»